Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 69. De l'injustice dans les accusés. Est-il permis à un accusé de nier la vérité, de se défendre par une calomnie, d'appeler du jugement, de résister par la force? 1. Un accusé peut-il, sans péché mortel, nier la vérité qui le condamne? Il y a obligation de justice pour nous d'obéir à nos supérieurs en tout ce qui ressort de leur juridiction. C'est pourquoi l'accusé est rigoureusement tenu de déclarer à son juge la vérité qui lui est demandée suivant les formes juridiques. Refuse-t-il de déclarer ce qu'il est tenu d'avouer, ou le nie-t-il par une fausseté? Il pèche mortellement, mais si le juge lui adresse des questions qu'il n'a pas le droit de lui faire, il peut garder le silence et se soustraire à son jugement par tout moyen licite. Note. Mentir en justice, c'est pécher contre Dieu, à qui le jugement appartient, et contre le prochain, soit par rapport au juge, à qui l'on doit la vérité, soit par rapport à l'accusateur, qui sera puni s'il ne prouve pas les faits qu'il avance. Fin de la note. 2. Un accusé peut-il se défendre d'une manière calomnieuse? Autre chose est de taire la vérité, autre chose est de mentir. L'accusé, qui n'est pas tenu de tout dire, peut se contenter de déclarer ce que le juge est en droit d'exiger juridiquement, mais, en aucun cas, il ne lui est permis de se défendre d'une façon calomnieuse, en recourant à des moyens iniques et frauduleux. 3. Un accusé peut-il décliner le jugement par la voie de l'appel? À l'exemple de saint Paul, qui en appela à César, tout accusé peut, pour se soustraire à une injustice, interjeter appel. Actes des Apôtres, 25-60. Mais il n'est pas permis de recourir à cette voie uniquement pour obtenir des délais et empêcher une juste sentence, ce serait là une sorte de défense calomnieuse. 4. Un condamné à mort peut-il résister par la force, quand il en a la possibilité? Celui qui résiste au pouvoir, dit saint Paul, résiste à l'ordre de Dieu et attire sur lui la malédiction. Romains 13. Donc un condamné pèche en se défendant par la force, lorsqu'il a été frappé par un jugement équitable. Mais si sa condamnation est injuste, elle peut être assimilée à une attaque de malfaiteur. Il lui est permis, dans ce cas, de résister au mauvais prince, à moins peut-être qu'il ne doive résulter de ses efforts quelques désordres scandaleux. Note. Personne n'est obligé de faire une chose dont la mort doit être la conséquence, par exemple, de rester dans un lieu, pour être de là conduit au supplice, mais il n'est pas permis de résister à l'exécuteur, quand il s'agit de souffrir une peine justement méritée. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.